Pour vos différents besoins en électricité, c'est l'équipe des entreprises Rodrigue Piquette qu'il faut consulter. Que ce soit pour vos travaux résidentiels, commerciaux ou industriels, les entreprises Rodrigue Piquette se spécialisent dans l'analyse de la qualité d'énergie et un comptoir de produits électriques qui répond à vos besoins à des prix imbattables. Les entreprises Rodrigue Piquette, au 410 8e avenue à Dolbeau-Mistassini, le propriétaire des entreprises Rodrigue Piquette rappelle que l'achat local est vital pour protéger notre économie. Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Il a fait parler beaucoup de lui en fin de semaine. Je l'ai même entendu à Radio X Québec ce matin pour expliquer un peu sa sortie. Il a fait le tour du Québec. C'est l'instructeur-chef des Génois d'Allemagne, Pascal Hudon. Pascal Hudon qui déplorait un petit peu l'attitude de certains parents comparativement envers leurs jeunes. On lui parle. Salut, Pascal. Salut. Pascal, comment c'est venu cette sortie-là? Ça a fait parler. Tu t'attendais-tu que ça allait faire le tour du Québec? Non, mais écoute, on s'attend. Ça a commencé, je te dirais. Radio X m'a appelé là, Chicoutimi la semaine dernière là, pour. Il avait été eux témoins de certaines choses d'un gradin au niveau du hockey mineur. Ils m'ont demandé si je voulais faire une entrevue où ce que j'allais nommer cinq choses que je trouvais que j'avais vues dans ma carrière qui n'étaient pas approprié. Fait que j'ai juste nommé ça, puis je te dirais après ça, ça a décollé le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Ouais. Là, je te dirais, je pense que toi, là, t'es la 10e entrevue que je fais aujourd'hui. Là, j'ai tout fait des postes de radio partout au Québec là, aujourd'hui. Fait que t'sais, je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là, mais tant mieux si le message passe. Si autant d'ampleur, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont touchés. Fait que c'est toujours intéressant comme ça. Pascal, je t'attendais, j'ai écouté ton entrevue que tu as faite à Radio X Québec ce matin. Tu disais que à quelque part, les jeunes, c'est 1% des gens qui vont faire carrière. Je dirais même que c'est en bas que ça. Jamais parlé de pourcentage en tant que tel. Moi, dans le fond, écoute, ça fait 20 ans que je coach, ça fait 15 ans que je suis dans les calibres provinciales. Puis tu sais, ce que je dis en bout de la ligne, c'est que j'en ai un. J'ai un joueur qui a fait, c'est Yannick Gourde. Mm. Tu sais, si je regarde l'ensemble de la chose, ben, tu sais, j'ai beaucoup de carrière. Tu sais, j'ai beaucoup de joueurs qui présentement qui sont policiers, qui sont avocats, médecins, dentistes, enseignants. Ça, pour moi, ça, c'est des carrières réussies. Tandis que, tu sais, si on met notre focus juste sur la carrière de joueur de hockey, comme je te dis, ça fait 20 ans que je coach, puis j'ai coaché quand même dans les calibres élites, puis j'ai juste un joueur qui a touché à la Ligue nationale. En fait, tu sais, je pense que rendu là, il faut quand même rester réaliste. Tu sais, c'est tant mieux s'il y en a plus un jour, mais pour l'instant, je pense que, tu sais, on est mieux de former nos jeunes à devenir des individus, à bien réussir à l'école. Là, c'est ceux qui vont faire une bonne carrière. Donc. OK. Pourquoi les parents sont de même? Est-ce que d'après toi, il se revoit dans son jeune, il a plusieurs, parce que c'est le fonds pension, parce que ça coûte cher, là, ça coûte 5000 $ on dit une année, là, au hockey mineur. Est-ce que c'est... Ouais, mais tu sais, je te dirais, Danny, les parents qui exagèrent beaucoup, c'est même pas les parents qui payent 5000 $ c'est souvent, c'est pas les parents que le jeune sont d'instructure de 3 ou des affaires comme ça. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de situations dégradantes qu'on voit que ça se passe dans le simple lettre ou même, tu sais, dans l'hockey mineur normal. Fait que, tu sais, rendu là, oui, je pense que tantôt, ce que tu disais, là, des parents peut-être qui se revoient dans le jeune, qui veulent vivre leur carrière, qu'eux n'ont pas réussi à travers le jeune. Mais je pense que rendu là, en même temps, c'est une question de culture ou ce que beaucoup de Québécois, tu sais, le hockey au Québec, c'est quand même gros. Beaucoup pensent tout connaître le hockey, mais à un moment donné aussi, tu sais, c'est une question, là, il y a plusieurs comportements que j'ai nommés là, dans l'article et dans mes entrevues, mais tu sais, au-delà du joueur qui est payé par son père pour marquer des buts, mais il y a quand même des choses comme un père qui attend un coach dans le parking parce qu'il a coupé son gars. Tu sais, ça, tu sais, à la limite, ça n'a pas sa place à nulle part dans la vie. Tu sais, c'est comme si tu vas passer une entrevue, le gars t'engage pas, puis tu l'attends dans le parking après pour lui donner une volée. Tu sais, je pense que rendu là, c'est quoi l'image aussi que tu donnes à ton jeune? Tu sais, ton jeune, il sort, il a été coupé. Toi, comme père, t'attends le coach dans le parking. Ça veut dire que tu viens de donner le signal à ton jeune que dans la vie, quand ça fonctionne pas, c'est comme ça qu'on règle les choses. Tu sais, c'est tout plein de comportements comme ça que je trouve qui sont dénigrables. Je pense que c'est du cas par cas un petit peu. Mais, tu sais, j'ai joué pendant 25 ans. Ça fait 20 ans que je coach. Puis il n'y a pas d'amélioration qui se passe à ça. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à voir qu'un jour, ça va se régler. Est-ce que tu penses que l'hockey scolaire pourrait être une solution? Parce que j'écoutais Vin ce matin avec toi, puis il disait que l'hockey scolaire, des incidents comme ça dans l'hockey scolaire, il n'y en a pas. Ou très peu. Il y en a, c'est juste que c'est plus difficile de les commettre. Souvent, en plus, c'est pas nécessairement des parents qui coachent. Puis comme je disais dans les entrevues, je dénigre pas les parents qui coachent. On a besoin, c'est des bénévoles dans l'hockey mineur. Si on n'a pas les parents qui s'impliquent, il n'y aura pas d'entraîneur. Mais dans le scolaire, c'est des entraîneurs sans dire professionnels qui sont là, qui sont payés pour faire ce travail-là. Mmh. Les jeunes pratiquent l'après-midi. Fait que les parents sont pas aux pratiques. Fait que les parents n'ont pas la chance de se réunir ensemble puis de se gringuer ensemble pour la fin de semaine. Mais ça n'empêche pas que la fin de semaine, pendant un match, même si c'est du scolaire, le parent qui est dû pour faire une niaiserie, il peut la faire quand même. C'est juste que souvent, c'est plus encadré. Les organisations, c'est un peu comme les structures 3. Il y a quand même une structure, une organisation qui te protège aussi comme entraîneur, mais on n'est jamais à l'abri quand même. Le gérant d'estrade, il va toujours le voir. On l'est, toi puis moi, on l'est, on écoute un match des Canadiens, puis on parle de telle affaire. Pis ça, je pense que ça fait partie de notre culture au Québec. Mmh. On aime le hockey, pis on est comme ça. Mais de là à dénigrer ou à crier des choses méchantes à un jeune sur la glace qui est dans ta propre équipe, il y a des choses comme ça, je pense qu'à un moment donné, ça n'a pas sa place non plus. T'sais, il faut qu'on parle, personne n'ose parler. T'sais, des fois, si on réussit juste à aider un jeune ou un parent avec ce qu'on est en train de faire là, tant mieux, mais j'espère qu'avec l'ampleur que ça a pris, on va m'aider au moins. Est-ce que depuis que c'est arrivé cette sortie-là, est-ce qu'il y a des parents qui t'ont appelé, qui t'ont contacté pour te dire « Ouais, t'es à la couche, mon Pascal? » Je te dirais, honnêtement, j'ai jamais été aussi là autant par les médias sollicités, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages textes, messages Facebook que j'ai reçus d'anciens joueurs que j'ai eus, de parents, mais beaucoup, beaucoup d'organisations. Je te dirais, les organisations scolaires d'un peu partout au Québec, j'ai eu beaucoup d'appels de leur part, beaucoup des demandes d'aller donner des conférences puis d'aider justement là à essayer de faire avancer les choses. C'est juste que maintenant, je manque de temps, j'aurais pas le temps de faire tout ça, mais je te dirais, depuis dimanche matin, là, je te dirais, là, j'ai beaucoup, beaucoup de commentaires. Tout est positif. De toute façon, d'un dossier comme ça, il n'y a pas grand monde qui peut parler négatif je dis. Le gars qui pense pas comme moi, qui est pas d'accord, il le dira pas parce que ça veut dire qu'il est pas sur la bonne voie. Mais je te dirais, je pense que c'est parents Inc. qui avait fait une émission il y a pas longtemps. Il y a eu un impact, mais gars, il y en a encore. Présentement, je brase la soupe, mais ça va retomber. Les médias, tu le sais, dans un jour, ça n'en parlera plus. Fait que, je pense qu'à un moment donné, c'est juste de se regarder dans le miroir. Mais tu disais tantôt, y a-t-il une solution à ça? Pour moi, la solution, c'est d'attaquer nos jeunes qui, un jour, vont être des parents. Mm. Moi, je pense que si on essaye de sensibiliser la jeunesse, justement, à être des bons parents un jour, à pas embarquer dans ça, peut-être que dans 10-15 ans, la situation va améliorer. Mais de là à dire qu'on peut améliorer ça cette année ou l'an prochain, j'y crois pas vraiment. Ça commence par la base. Par la base, c'est les jeunes. Si ton père a été comme ça toute ta vie, puis toi tu te dis moi quand je vais être grand, c'est sûr que je serai pas de même. Ben déjà là, au moins, ça va avoir servi à ça. Si tout le monde pense comme ça un peu, peut-être qu'on va finir par avancer. Puis les structures sont mieux. Les hockey mineurs deviennent plus encadrés. Fait que on va espérer qu'un jour, mais dans Parent Ring, c'était incroyable ce qu'on voyait aussi. C'était réaliste, hein? C'était vraiment réaliste. C'était réaliste. C'est des choses qui se produisaient. Ce que j'ai dit, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai entendues. Je suis chanceux parce que ça fait 10 ans que je suis au collégial, que j'ai pas à vivre des choses comme ça. Déjà, toi, on vit pas nécessairement des choses comme ça aussi, mais je suis dans les arénas, je les vois, je les entends. Tu sais, je suis témoin de plusieurs choses comme ça, puis tu sais, ça change pas. Puis tu sais, malheureusement, c'est les jeunes à chaque fois qui sont malheureux dans tout ça. Effectivement. Est-ce que ça se voit pas dans la région, mais dans la région de Montréal, il y en a beaucoup, même je pense dans la région de Québec, du hockey de 12 mois par année. Est-ce que ça, c'est... Parce que moi, les joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale me l'ont dit, du hockey de 12 mois par année, c'est pas nécessaire. Il faudrait que le jeune joue dans d'autres sports pour faire découvrir d'autres sports. Est-ce que ça, on écœure le jeune dans ce temps-là? On change de sujet, mais je suis bien à l'aise aussi. Tu sais, moi, comme entraîneur, à un moment donné, je suis comme ça aussi. Quand on parle des entraîneurs de structure, là, les jeunes qui jouent dans le trou-bois, on commence déjà au début août. Nos saisons se finissent souvent fin avril. Les saisons sont longues, exigeantes. On est sur la glace pratiquement à chaque jour. Moi, je considère que quand tout ça, c'est fini, à un moment donné, faut respirer. Mentalement, c'est important de faire d'autres choses. C'est important de décrocher du hockey un peu. 12 mois par année, je trouve ça très, très, très exigeant. Je vois pas nécessairement l'intérêt de faire autant de hockey, sinon que financièrement, ça coûte encore plus cher aux parents. Puis je pense que développer aussi d'autres habiletés dans d'autres sports, baseball, soccer, c'est toujours intéressant aussi pour un athlète d'avoir le plus d'habiletés possible. Mais tu sais, moi j'ai de la misère à concevoir que pendant 12 mois tu peux jouer au hockey. T'sais, à la limite, va jouer au deck hockey, tu sais, c'est différent. Va jouer au soccer, au tennis, il y a tellement d'autres choses que tu peux faire. Tu vas justement mentalement te faire décompresser, mais physiquement aussi, là, t'amener d'autres choses, d'autres qualités que éventuellement peut t'aider dans ton sport d'hockey. Okay. Pascal, évidemment, je suis moins les Janois. Comment ça va cette année? Est-ce que c'est une bonne année? Ouais, mais c'est une année, on est jeune un peu, je te dirais, on n'a pas la fiche présentement indique pas nécessairement notre début de saison. On joue quand même bien. En début de saison, notre défensive allait moins bien, mais on marquait des buts. Là, c'est l'inverse. Là, on joue très bien défensivement. On donne pas beaucoup de chances de marquer à l'adversaire, mais on a de la misère à marquer des buts. Je te dirais, on a une défensive qui est très jeune. Hein. J'ai 5 recrues à défense. On a des blessés qui, depuis le début de la saison là, qui commencent à revenir un à un. C'est des éléments clés auxquels on a besoin justement là, dans notre planification, dans le plan d'équipe qu'on s'était fait. C'était des jeunes qui étaient vraiment avec des rôles clés. Là, tranquillement, pas vite, on a un défenseur de revenu. Notre gardien numéro 1 est revenu. Éventuellement, là, notre défenseur numéro 1, c'est un défenseur qu'on lui donne pas loin de 30-35 minutes pour revenir. Fait que je pense que ça va. Les choses vont se placer tranquillement pas vite. J'aime la progression présentement des jeunes. Au-delà des résultats, je pense qu'on a une bonne progression. On a une bonne chimie. Fait qu'on va voir là, comment ça va débloquer n'importe. Y a-t-il des joueurs qui viennent du haut du lac qui jouent pour toi? Ah, présentement, on a monsieur Charles-Éric Rochefort qui vient de l'Adoré. OK. Après ça, on a Thomas Larouche qui vient de Saint-Félicien. OK. Puis, c'est-tu des joueurs qui ont un certain impact avec toi? Charles-Éric, là, c'est un jeune là, qui, l'an passé, était recru, une bonne saison. Okay. Je te dirais, c'est un élément offensif quand même important dans notre équipe. Puis, le jeune Thomas Larouche à défense, ben c'est notre potentiel futur bon corps arrière à défense. Là, c'est un jeune de 17 ans présentement qui progresse très bien. Je te dirais, là, tel même là, cette année, là, plus la saison va avancer, plus il va être dominant. Puis je pense que dans les deux prochaines années, il va être un défenseur très offensif. Puis il a passé proche de faire les Saguenay. Il va jouer de temps en temps avec les Saguenay aussi. Ouais. C'est un défenseur qui va être appelé à avoir du succès avec les autres collégiales. Pascal, dernière question. Il y a du hockey scolaire également à Robertval et à Alma. Pas Alma, mais à Mascoutimi, pardon. Est-ce que c'est pas du tout le même niveau scolaire? Est-ce que vous entendez travailler avec Simon et avec l'instructeur de Chicoutimi pour faire peut-être une synergie? Oui, ben il y en a à Alma aussi. On a les Lynx à Alma, là, secondaire 1 à secondaire 5. Je te dirais tranquillement pas vite, il y en a hors vidéo aussi. Ouais. On est rendu quand même avec 4 endroits. C'est sûr que je te dirais, là, à Chicoutimi, je parle beaucoup avec eux. À Alma, ben, ils sont dans ma cour, je parle régulièrement avec eux aussi. Ouais. Simon Gaudreau aussi. Fait que, tu sais, je te dirais, les gars ont pas peur de me demander des conseils aussi parce que, tu sais, j'ai passé par là aussi de décoller un programme, commencer un programme à zéro puis de bâtir ça. Fait que c'est sûr que tranquillement, pas vite, c'est intéressant de voir que de plus en plus d'endroits où ce que les jeunes peuvent embarquer dans un calibre, surtout pas le calibre, mais embarquer dans l'encadrement scolaire. Je pense que c'est intéressant pour eux autres puis je suis bien content de voir tout ça ici dans la région. Okay. Pascal, un gros merci. C'est pas mal fini les entrevues pour toi. On se reparle peut-être un autre tantôt. C'est bien gentil, merci. L'instructeur des Jeunes d'Allemagne, Pascal